Ok, okay. Hey, écoute ça. Ça c'est nous-mêmes ça. C'est le mouvement authentique, poto. La vie doit ça va faire mal. Pousse le son à fond et accélère dans les pirates. Dans l'illicite il recrute, département qu'on récute. Fais de la pub, ça se discute. Plus que dans l'émission, tu peux monter sur le terrain et gérer la pression. Lyrique à l'agression, rien qu'on kick tous les beats. Le rap français pris de panique. Mouvement authentique, les authentiques, tu sais qu'on les nique. Radical, je suis le fruit de mon époque. J'ai l'étoffe, le check cartoff, le son des blocs. Mais pas n'importe lequel, je te cartonne, je reste éloquent. Ça vient nos bancs, c'est le style de vos bancs. Que des potes, d'autant plus que je monte en gratte. Je t'emmerde, on graille, on traque le mal en grattant. Y'a que ces tours dans mon check-car, mais on s'est fait tout seul. Y'a tellement de rappeurs qu'on pourrait remplir 6 cartes. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent en écoutant nos couplets. Faut qu'on te laisse, en voilà le portrait. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent en écoutant nos couplets. Chez nous pas de jingle bell, je veux gérer comme Springer Bell. Fais péter le string ma belle, avant que le fric m'appelle. T'sais que le fric appelle, des soucis à l'appel. Et l'appel à la morgue est plus conséquent dans nos ruelles. On se rue, car le vice nous prostitue. Chez Tan on y a cru, comme plus les frères. Que ses paroles ont eu, bienvenue à vos bancs. C'est le barrio, fais pas le fou, j'y cuisine mes rimes. C'est comme la one, elle sort du four. La tour 1, la tour 7, négro fait bellec. Jet set dans le gangstérisme, on est trop sélect. Rancard au H ou au Domac, tu veux tester vos bons man. Accueille ma lame dans l'estomac. Demande à vrai plan, qu'est-ce qui se passe quand on se vénère. Les balles sifflent et nos gars grondent comme le tonnerre. Dans une cave, il souffle le masque, c'est parti. C'est le repos du guerrier, vos bancs les fait tous mouiller. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent en écoutant nos couplets. Vos bancs te laissent, en voilà le portrait. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent en écoutant nos couplets. Vos bancs te laissent, en voilà le portrait. Quand ils caillent en bas du bloc, on peut se les peler, geler. Mais t'inquiète, en cas de choc, y'a ce qu'il faut sous le pélé pélé. Mes négros bombent le torse, ouais. Dans le hall, ambiance mortuaire. Comme des raids bâtis toutes seules sous leur sportswear. Le rap en guise de bise, y'a tant de risques que je glisse. Pour l'instant, je dis le disque et j'attends le bif que je kiffe. Les jeunes teasent, les gun teasent, le seum gris. Où les mecs qui font qui mettent des putains de fronkies, gros junkies. C'est pas les thunes qui font l'homme, mais l'homme qui fait les thunes. Écris comme un acharné que tu comprennes, je rappe à fond des prudes. Rien à foutre, ton rap rude, on rap rue. Autrement dit, ton rap pue, mon rap tue. On a le truc tout comme toi qui fait qu'on court pour le prix. Stressé dans des courses poursuites et les descentes de flics. Chez moi, on t'incarcère pour vendre sur la voie publique. Au banjolet, trafic de rimes toujours illicite. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent en écoutant nos couplets. Vos banjolets, en voilà le portrait. Toujours une escorte, sache que l'union fait la force. Est-ce là la face, la cohorte. Essaye de faire en sorte que les gens se reconnaissent. C'est mouvement authentique ça. Tu connais déjà. Spécial dédicace à Mister Anomaly. Si, si, la famille. À la DSC. Mister Manolo. L'homme de l'ombre. Y'a du monde dans le MA. Impossible de se réunir tous sur un seul sommet, poto. Carnage. Net Dev Volume 1. Vos banjolets, en voilà le portrait. Ok, ok.